J'ai vu le jour, un matin de 88. Le géniteur s'est fait la malle après avoir pris une cuite. Rien que ça, c'est du vécu. J'en ai dans la tête quand je pense à tout ce que j'ai jamais eu. On est né pour briller, pas pour se plaindre. Je veux des billets pour éclairer mon lendemain. Je ressens des trucs bizarres comme un soir de pleine lune. J'ai toujours rappé pour moi, changerai jamais mes habitudes pour un pécule. Je tape ma soirée tout seul avec du son des pécos. Les gens changent pour 2-3 pesos. La chance, si je te croise, te fais un bisou à ta santé, je roule un pédo. C'est mon mal de vivre que je te livre. Admire la beauté entre les lignes. Un autre jour au paradis. La vie est rude, on voit l'océan, on nous laisse que l'écume assoiffée par la thune. C'est notre pire ennemi, je te le dirai dans une autre zig. J'aspire à faire des textes magnifiques. Je laisse tomber le rap, mon truc c'est la poésie. J'aime même pas faire parler, j'aime pas les polémiques. Yeah. J'ai toujours fait mes propres choix, sans être égoïste pour autant. Même si je me trompe des fois, on avance comme on peut. Le game, un truc pathétique, peut-être que je critique. Parce que je suis pas dedans, parce que je veux percer. Mais je sais pas quand, ça va venir, je sais pas comment m'y prendre. J'ai ni piston, ni studio, j'ai mon stylo et ma vision des choses. Je suis pas à la mode, je rappe des instrus à l'eau de rose. La mélancolie et moi en osmose. Pense au jour où tu partiras comme Oxmo. Rien à foutre de faire des textes aux normes. Du bon rap, tout le monde le reconnaît, ça met tout le monde d'accord. Je crois que la bonne zig se fait rare. Je te parle de celle qui sort du lot avec la classe comme une rose noire. Quels seront nos futurs classiques? Qu'est-ce qui servira d'exemple à nos petits frères, nos fils? Servent d'exemple dans notre musique. Faut marquer notre génération, faut faire ses propres choix. Car là ta vie, tu la conditionnes, tu la conditions. Qui fait qu'on est que le copilote de nos aspirations. Faut qu'on monte, on est aspiré par le fond. Dans ma tête ça évolue car de l'encre a coulé sous les ponts. Yeah. J'ai toujours fait mes propres choix, sans être égoïste pour autant. Même si je me trompe des fois, on avance comme on peut. Je lâcherai tout quand j'aurai la plume anorexique. Quand devant ma page blanche je deviendrai narcoleptique. Écoute mes chroniques, je suis un mec. Tout ce qu'il y a de plus banal, je me fais pas remarquer. J'écris mes textes dans la marge, les prétentieux foutre la mort, je kiffe les belles femmes. Un proche en pour les voitures plutôt que les bécanes. J'aime que le boule des petites bourgeoises qui ricanent à la terrasse de mon café. Je repense à mon ex, tous les beaux moments passés et tout ce qui m'a marqué. Yeah. J'ai toujours fait mes propres choix, sans être égoïste pour autant. Même si je me trompe des fois, on avance comme on peut.